Lettre 258 de Thérèse à l'abbé Bélière le 18 juillet 1897. J.M.J.T. Jésus. Mon pauvre et cher petit frère, votre douleur me touche profondément, mais voyez comme Jésus est bon, il permet que je puisse, encore, vous écrire, pour essayer de vous consoler, et sans doute, ce n'est pas la dernière fois. Ce doux Sauveur entend vos plaintes et vos prières, c'est pour cela qu'il me laisse encore sur la terre. Ne croyez pas que je m'en afflige, oh non, mon cher petit frère, au contraire, car je vois dans cette conduite de Jésus combien il vous aime. Je me suis sans doute bien mal expliqué dans mon dernier petit mot puisque vous me dites, mon cher petit frère, de ne pas vous demander cette joie que je ressens à l'approche du bonheur. Ah si pour quelques instants vous pouviez lire dans mon âme, que vous seriez surpris, la pensée du bonheur céleste, non seulement ne me cause aucune joie, mais encore, je me demande, parfois, comment il me sera possible d'être heureux sans souffrir. Jésus, sans doute, changera ma nature, autrement je regretterai la souffrance et la vallée des larmes. Jamais je n'ai demandé au bon Dieu de mourir jeune, cela m'aurait paru de la lâcheté. Mais lui dès mon enfance, a daigné me donner, la persuasion intime, que ma course ici-bas, serait courte. C'est donc la seule pensée d'accomplir la volonté du Seigneur qui fait toute ma joie. Ô mon petit frère, que je voudrais pouvoir verser en votre cœur le baume de la consolation. Je ne puis qu'emprunter les paroles de Jésus à la dernière scène, il ne pourra s'en offenser puisque je suis sa petite épouse et que par conséquent ses biens sont à moi. Je vous dis donc comme lui à ses intimes, je m'en vais vers mon Père, mais parce que je vous ai parlé de la sorte, vous avez le cœur rempli de tristesse, je vous dis pourtant la vérité, il est de votre intérêt que je m'en aille. Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur sera dans la joie et personne ne vous ôtera cette joie. Oui, j'en suis certaine, après mon entrée dans la vie la tristesse de mon cher petit frère se changera en une joie paisible et qu'aucune créature ne pourra lui ravir. Je le sens, nous devons aller au ciel, par la même voie, celle de la souffrance unie à l'amour. Quand je serai au port, je vous enseignerai, cher petit frère de mon âme, comment vous devrez naviguer, sur la mer, orageuse, du monde, avec l'abandon, et l'amour, d'un enfant, qui sait que son père le chérit, et ne saurait le laisser seul à l'heure du danger. Ah que je voudrais vous faire comprendre la tendresse du cœur de Jésus, ce qu'il attend de vous. Dans votre lettre du 14 vous avez fait tressaillir doucement mon cœur. J'ai compris, plus que jamais, à quel point votre âme est sœur de la mienne, puisqu'elle est appelée à s'élever vers Dieu, par l'ascenseur de l'amour, et non pas à gravir le rude escalier de la crainte. Je ne m'étonne en aucune façon que la pratique de la familiarité avec Jésus vous semble un peu difficile à réaliser. On ne peut y arriver en un jour, mais j'en suis sûr. Je vous aiderai beaucoup plus à marcher par cette voie, délicieuse, quand je serai délivré de mon enveloppe mortelle. Et bientôt comme saint Augustin vous direz, l'amour est le poids qui m'entraîne. Je voudrais essayer de vous faire comprendre, par une comparaison bien simple, combien Jésus aime les âmes, même imparfaites, qui se confient à lui. Je suppose qu'un père et deux enfants espiègles et désobéissants, et que venant pour les punir, il envoie un qui tremble et s'éloigne de lui avec terreur, ayant pourtant au fond du cœur le sentiment qu'il mérite d'être puni, et que son frère, au contraire, se jette dans les bras du père en disant qu'il regrette de lui avoir fait de la peine, qu'il aime et que, pour le prouver, il sera sage désormais. Puis cet enfant demande à son père de le punir par un baiser. Je ne crois pas que le cœur de l'heureux père puisse résister à la confiance filiale de son enfant, dont il connaît la sincérité et l'amour. Il n'ignore pas cependant que plus d'une fois son fils retombera dans les mêmes fautes, mais il est disposé à lui pardonner toujours, si toujours son fils le prend par le cœur. Je ne vous dis rien du premier enfant, mon cher petit frère, vous devez comprendre, si son père peut l'aimer autant, et le traiter avec la même indulgence que l'autre. Mais pourquoi vous parlez de la vie, de confiance et d'amour? Je m'explique si mal qu'il me faut attendre le ciel pour vous entretenir de cette heureuse vie. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vous consoler, à que je serais heureux si vous accueilliez ma mort comme l'accueille Mère Agnès de Jésus. Vous ignorez sans doute qu'elle est deux fois ma sœur, et que c'est elle qui m'a servi de mère dans mon enfance. Notre bonne mère craignait beaucoup que sa nature sensible, et sa grande affection pour moi, lui rendent bien amer mon départ. Le contraire est arrivé, elle parle de ma mort comme d'une fête et c'est une grande consolation pour moi. Je vous en prie, mon cher petit frère, essayez comme elle de vous persuader qu'au lieu de me perdre, vous me trouverez, et que je ne vous quitterai plus. Demandez la même grâce pour la mère que vous aimez et que j'aime encore plus que vous ne l'aimez puisqu'elle est mon Jésus visible. Je vous donnerai avec joie ce que vous demandez, si je n'avais pas fait vœu de pauvreté, mais à cause de lui, je ne puis même pas disposer d'une image. C'est notre mère seule qui peut vous satisfaire et je sais qu'elle comblera vos désirs. Justement, en vue de ma mort prochaine, une sœur m'a photographiée pour la fête de notre mère. Les novices se sont écriés en me voyant que j'avais pris mon grand air. Il paraît que je suis ordinairement plus souriante, mais croyez, mon petit frère, que si ma photographie ne vous sourit pas, mon âme ne cessera de vous sourire quand elle sera près de vous. Adieu mon cher et très aimé frère, croyez que je serai toute l'éternité votre vraie petite sœur. Marc M. Dan, archive.org, d'après Archive Carmel de Lisier.fr, licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.